Maxi Sud. Et donc, bonjour, moi je m'appelle Corentin Diaz, j'ai 23 ans et je viens du domaine du coup de la mécanique. Je suis technicien de bande d'essai pour les voitures de rallye. Moi du coup la passion de la mécanique c'est venu de mon père qui est mécanicien et qui m'a transmis ça depuis petit, donc j'ai plongé dedans. Donc moi c'est Mathis Fraisse, je suis de Rio Pérou. Je travaille donc dans la maçonnerie, ça n'a rien à voir avec la mécanique, mais voilà, j'ai trouvé cette passion parce que depuis petit je bricolais avec mon père, et du coup voilà, ça m'a permis d'avoir la passion de la mécanique. Et du coup bon, je ne suis pas autant connaisseur, mais pour des bricoles voilà, je me débrouille. Bonjour, donc Thibaut Imbert, je suis agriculteur, j'ai 22 ans, donc voilà, je suis sur le secteur de Castanet. Moi c'est pareil, bon, la mécanique dans le milieu agricole, voilà, il faut toujours y mettre la main dedans, quoi. Après voilà, je suis pas forcément le plus gros mécano, je suis les autres, ils me guident et voilà, nous arriverons du coup à finir ces voitures le plus vite possible dans les temps voulus. Et d'où vous est venu ce projet de la 4L Trophy? Vous êtes 4 en plus, c'est ça. Alors voilà, nous le projet est venu d'une simple discussion finalement, c'était l'année dernière. Voilà, on voulait partager un moment ensemble et c'est vrai que comme beau jour, on s'est dit bon mais voilà, pourquoi pas le 4L Trophy. C'est un événement qui est assez connu, on va dire, assez médiatisé. Donc on avait pu voir de par des publications voilà comment un peu ça se déroulait, ça nous a plu et donc voilà, c'est pour ça qu'on est, on s'est un peu lancé dans ce projet là. Puis également il y a un copain à nous qui a participé il y a 3 ans maintenant et qui nous en avait parlé, il s'est régalé et du coup il nous en a parlé positivement et il a su nous vendre le projet aussi. Après, pourquoi avoir pris des voitures en mauvais état au début? Ça, c'était tout une question de budget. Et ensuite, vu qu'on était 4 à bien aimer la mécanique et à bien s'entendre, on a dit pourquoi pas commencer le projet de A et le finir à Z. Voilà, puis dans le cadre de la 4L Trophy, vous recherchez également des sponsors et des partenaires. Oui, c'est ça. Donc pour le moment, on a quelques sponsors. Et on souhaiterait, si on peut, en trouver d'autres. Après, c'est quand même un peu compliqué de demander de l'argent à des personnes. Mais bon, c'est quand même pour un raid humanitaire. Et nous, on va quand même apporter aussi des fournitures à des gens dans le besoin au Maroc. Donc voilà, pour le moment, le budget, il n'est pas clos. On reste ouvert à de nouveaux sponsors. En sachant que déjà il y a pas mal d'entreprises dans le coin du Ségala qui ont bien joué le jeu, donc voilà, on reste ouvert. Oui, comme mes camarades ont dit, c'est vrai qu'on reste ouvert parce que voilà, c'est vrai que le 4L Trophy entre tous, c'est quand même un budget assez conséquent. Parce que même si on a pris des voitures petit budget, entre l'inscription et mais aussi la rénovation, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc voilà, nous sommes ouverts à tous les corps de métier et ça sera un plaisir de vous représenter au Maroc si vous acceptez de nous suivre. Pour encourager ces 4 jeunes du Ségala qui vont faire cette 4L Trophy et surtout insister que c'est pas une balade touristique, c'est pour la bonne cause. Oui, c'est ça, c'est avant tout quand même un raid humanitaire. Donc voilà, c'est aussi pour ça aussi qu'on l'a fait, parce que voilà, on est quand même sensible à cette cause-là, à aider les gens dans le besoin. Donc voilà, amener des fournitures au Maroc pour essentiellement aussi des enfants dans le besoin, ça nous portait à cœur aussi. Puis il y a également des denrées humanitaires qui vont être amenées au village départ à Biarritz et qui seront données à la Croix-Rouge.